Cours numéro 6. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi rabbil alameen, wa al-aqibatu lil muttaqeen, wa la'udwana illa ala al-zalimeen, wa ashhadu an la ilaha illallah, wahdahu la sharika lahu, wa ashhadu anna muhammadan, abduhu wa rasooluhu, sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi, amma ba'd. Qala al-Sheikh Abdussalam ibn Barjis, rahmatullah alayhi. Thalithan, as-sabru ala jawrih. Le troisième haq, le troisième droit du gouverneur, as-sabr ala jawri, patienter s'il est injuste. On répète le premier haq al-bay'a, lui prêter allégeance. Le deuxième haq, le deuxième droit, as-sam'u wa ta'a, écouter et obéir, tant que ce n'est pas un péché. Le troisième haq, as-sabr ala jawri. Al-jawr, c'est dhulm, c'est l'injustice. Qala Cheikh Abdussalam, idha btuliya al-muslimoun bi-imam ja'ir, فإن الصبر على جوره هو سبيل المؤمنين. Si les musulmans ils sont éprouvés par un gouverneur injuste, فالواجب عليهم c'est le sabr. C'est ça la voie des croyants. من زمن الصحابة رضي الله عنهم jusqu'à aujourd'hui. زمن الصحابة est à la fin de l'époque de الصحابة, l'époque de Ibn Omar Ibn Abbas. Certains gouverneurs, ils ont commencé à faire certaines choses, al-Hajjaj et autres, was-sabr, ils ont patienté. Et ila yawmina hadha wa lillahi alhamd la tazal ta'ifatan min hadhihi al-umma 'ala al-haqq, qui applique la voie des salaf, fa yasbirun. Qala wa tariqatu ahli al-'ilm wad-din, ay sabil al-mu'minin, c'est tariqat ahli al-'ilm wad-din, li'anna al-khuruj 'alayhi yujibu min adh-dhulm wal-fasad akthar min dhulmi. On peut se demander, mais pourquoi? Awalan, il y a des textes clairs que Cheikh Abdussalam il a cité rahmatullah alayhi et qu'on va lire ensemble inshallah. Thaniyan, celui qui réfléchit, anna al-mu'min doit tout faire pour repousser le mal, lakin si repousse un mal et un mal plus grand arrive, il n'y a aucune vaïda, ça sert à rien. Bel, repousser un mal pour qu'un mal plus grand arrive, c'est al-haqiqa, faire des efforts pour que le mal plus grand il arrive. Donc en aucun cas c'est permis. فَلِهَذَا قَالْ لِأَنَّ الْخُرُوجِ. Al-khuruj, c'est le fait de se rebeller, se révolter contre l'autorité de ce gouverneur. قَالَ يُوجِبُ مِنَ الظُّلْمُ وَالْفَسَدْ أَكْثَرْ مِنْ ظُلْمِ. Ça va impliquer un mal beaucoup plus grand. Ce gouverneur, il commet des injustices, il fait du mal. Le fait de se rebeller contre lui, ça va pousser à un mal beaucoup plus grand. Donc, on le répète, السلف أهل السنة ولله الحمد ils n'acceptent en aucun cas l'injustice, ils n'acceptent en aucun cas les déviations, les péchés, les innovations d'un gouverneur ou d'un autre. Lakin, vu que le gouverneur il a une manzila à part, il a un rang élevé, il a c'est lui qui a l'autorité sur les autres, فهذا الحال on ne peut pas se comporter avec lui comme avec les autres. فلهذا ce gouverneur s'il est injuste, enfin, la solution, c'est la patience. Avec, bien sûr, ad-du'a, bien sûr, avec an-nasiha pour celui qui peut, comme Sayyati, inshallah. Qala kama yusbar inda al-amr bil-ma'ruf wal-nahi 'an al-munkar 'ala dhulm al-ma'mur wal-manhi liqawlihi ta'ala 'an Luqman ya bunayya aqim as-salata wa'mur bil-ma'ruf wanha 'an al-munkar wasbir 'ala ma asabak inna dhalika min 'azm al-umur. Comme الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, ça va demander de la patience. لماذا لأن tu vas dire à telle personne tu dois faire telle chose, tu vas dire à une autre personne telle chose c'est haram, tu dois t'écarter, c'est pas tout le monde qui va accepter. Donc ça va demander de la patience, tu dois patienter. Pourquoi? لأن ton objectif c'est de propager le din. Ton objectif c'est pas de défendre ta propre personne. Peut-être que un il va essayer de te faire du mal, peut-être que un il va mal parler. لكن انت tu dois patienter. لله اما celui qui fait les choses pour lui, il ne pourra pas faire da'wah. Le premier qui va le critiquer, il abandonnera. Le premier qui va l'accuser, qui va l'insulter, il va répondre, et Obama, il va faire beaucoup de mal. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de répondre, mais il va répondre d'une façon, ça va emmener un mal plus grand. Al-muhim ad-da'wah, la'bud min sabr. C'est pour ça que Luqman, il a conseillé à son enfant, ya bunay yaqim as-salat. Il lui a conseillé de faire la salat. Wa'mur bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar. Vous avez remarqué, quand il a cité l'amr bil ma'rouf et ordonné le convenable, wa wanha 'anil munkar, tu réprimande le blâmable. Directement, pourquoi l'ulilm yaqulun anna celui qui appelle au bien et qui met en garde contre le mal, forcément on essaiera de lui faire du tort. Faliyada qal wasbir ala ma asabak. Wasbir ala ma asabak, et patiente. Limada li anna on te fera certaines choses. Hakada avec l'imam. Hakada avec as-sultan. Annahu s'il fait certaines choses, la bud min as-sabr. Pas parce qu'on est d'accord avec ce qu'il fait là, pour éviter un mal plus grand. Si on revient à la parole de Cheikh al-Islam, لماذا لأن في الحاشية قال انظر فتاوى ابن تيمية فتاوى ابن تيمية. Si on revient au أصل, أي le livre de Cheikh al-Islam معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة, on lit la parole de Cheikh al-Islam complètement فيها فوائد. أما Cheikh al-Islam il a résumé هنا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وأما ما يقع من ظلمهم وجورهم بتأويل سائغ أو غير سائغ. نعم كساسوا تأويل سائغ أي يفعلون un effort d'interprétation, ils se trompent et ça cause une injustice, même s'ils font pas d'effort, أي une injustice pure claire. قال فلا يجوز أن يزالم فيه من ظلم وجور. On n'a pas le droit de se rebeller. On n'a pas le droit d'essayer de lui enlever cette place, cette autorité qu'il a. قَالَ كَمَا هُوَ عَادَةُ أَكْثَرِ النُّفُسِ. La plupart des gens, ils ne comprennent pas ça. La plupart des gens, ils pensent que la solution, c'est d'éliminer ce gouverneur. C'est de se rebeller contre lui, le chasser, etc. أَكْثَرِ النُّفُسِ. Pourquoi ? Parce que la plupart des gens, ils ne connaissent pas منهج السلف. La plupart des gens, ils ne comprennent pas les textes fil kitab et wassunna. Ah oui, ils ne veulent pas les comprendre. قَالَتْ تُزِيلْ أَشْرُ بِمَا هُوَ شُرٌ مِنْهُ. Ça, c'est pas min al-hikmah. C'est pour ça que l'ulama ajma'u, l'unanimité des savants, tu n'as pas le droit d'enlever un munkar si ça implique ou ça cause un munkar plus grand. Et l'ulama, il cite souvent l'exemple que Cheikh al-Islam, il a cité avec At-Tatar. On a cité dans les durus de Al-Amr bil Ma'ruf wa an-nahy 'anil munkar wa lillahi al-hamd, anna Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah marra, quand il faisait le jihad contre les Tatars, il était avec des frères, wa marru 'ala qawmin min at-Tatar qui buvaient de l'alcool. Et ba'd al-jama'a, ils ont voulu enlever ce munkar, aller les voir et leur dire arrêtez de boire, ila akhir. Cheikh al-Islam, rahimahullah, mana'ahum. Il leur a dit, là, laissez-les. Anzuru al-ilm. Et, hadha al-ilm, min usulih, parmi les fondements importants, c'est de connaître al-masalih. Et ce qui va emmener des masalih, des profits, ou kadhalik al-mafasid. Jalbu al-masalih, ou daf'u al-mafasid. Et des choses qui emmènent des choses profitables, et kadhalik qui repoussent des choses néfastes. C'est important dans beaucoup de masail. Cheikh al-Islam, rahimahullah, il les a mena'ahum, il leur a dit, là, laissez-les. Comment ils lui ont dit, ya imam, il jouait avec certains jeux de hasard, il buvait de l'alcool, il a akhiré. Cheikh al-Islam, il a dit, laissez-les. Est-ce que vous voulez qu'ils arrêtent de boire et qu'ils combattent nos frères musulmans? Anzuru al-ilm. Hey, tu vas leur dire arrêtez de boire. Maintenant, même peut-être de force, tu vas leur enlever l'alcool. Ils vont se reposer, vont dormir quelque temps. Thomas, l'ivresse, elle va disparaître. Et ils vont être en pleine forme. Peut-être qu'ils vont nous combattre. Laisse-les dans cet état. Laisse-les boire. Au moins, ils ne font plus aucun mal. Ils font du mal qu'à eux-mêmes. Ça nous montre al-amr bil ma'ruf wa an-nahy 'anil munkar. Il faut de la hikma. Il faut voir très très loin. Falihada akthar an-nas, vu qu'ils n'ont pas ces bases, ils n'ont pas ces principes. Il pense que la solution, c'est directement de se rebeller contre le gouverneur. قَالَ تُزِيلُ الشَّرْ بِمَا هُوَ شَرٌ مِنْهُ. قَالَ وَتُزِيلُ الْعُدْوَانِ بِمَا هُوَ أَعْدَى مِنْهُ. Tu veux repousser une injustice avec une injustice encore plus grande. Tu vas te rebeller contre ce gouverneur. On voit ce qui s'est passé dans les pays arabes, certains pays arabes plutôt, il y a quelques années, avec les révolutions. Dans certains pays, non, ils ont réussi à chasser le gouverneur. Dans certains pays, ils ont réussi à tuer le gouverneur. Tamam, ils ont enlevé l'injustice comme ils prétendent. Qu'est-ce qu'il s'est passé après? Ils ont tué ce gouverneur. Voilà où c'est un zalim. Il y a eu des milliers de morts juste après. Jusqu'à aujourd'hui, il y a des morts. Donc, cette injustice, elle a disparu. Lakin, ça a provoqué des injustices multipliées par 100, par 1000 et plus. Donc, c'est pas min al-hikma. Qala rahimahullah. فالخروج عليهم يوجب من الظلم والفساد أكثر من ظلمهم فيصبر عليه. Le fait de se rebeller contre eux, ça va provoquer injustice, façade, désordre, plus que leur injustice. Maintenant, ce gouverneur, il commet des injustices. Le fait de se rebeller contre lui, son injustice, ça va être rien du tout par rapport aux injustices qui vont arriver. هذا كلام واضح. الحكمة elle est واضحة. Le sujet il est clair. لكن الهوى les passions et l'ignorance. قال رحمه الله كما يصبر عند الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على ظلم المأمور والمنهي في مواضع كثيرة كقوله تعالى وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. Donc Cheikh Abd Salam il a résumé هذه الكلمة الطيبة. ثم قال شيخ الإسلام il a cité quelques versets في هذا الباب. ثم قال فالصبر على السلاطين. السلاطين c'est le pluriel de sultan. السلطان c'est le gouverneur. Donc الصبر عليهم إذا جاروا من عزائم الدين ومن وصايا الأئمة الناصحين. Ça fait partie des fondements de notre din. Patienter sur l'injustice des gouverneurs. Et كذلك ça fait partie de la voie des أئمة الناصحين, des imams de notre communauté. أما في هذا الباب suivre les ignorants, suivre les médias, à notre époque les réseaux sociaux, la masse, toute la journée critique les gouverneurs, هذه c'est طريقة الهلاك. Et c'est tariqat al-fitna. La révolution qui s'est passée dans les pays arabes, elle est la source, ou une des sources, c'était les réseaux sociaux. Un tel un message, on se rassemble dans tel endroit, il faut manifester, on demande nos droits, on en a marre de l'injustice. Au même moment, l'ulama, kanu yansahoun, les savants de la sunna, ils conseillaient. Et taqullah, craignez Allah. Oui, on est d'accord, ils font des injustices. Na'am, ils vous privent de certains de vos droits. On est d'accord. La solution, c'est pas les manifestations. C'est pas la révolte. Ils n'ont pas écouté. Andoro, le sang coule jusqu'à aujourd'hui dans certains bilats. L'imam d'Aliyana, le alim, le savant, ouais, il parle avec comme base, comme principe, le Coran ou le Sunna. Et هذه الحكمة, avec ses sagesses, la voix des salafs. Et son but, c'est de préserver le sang. Ou alors si les musulmans ils subissent des injustices, de la pauvreté, c'est mieux d'être pauvre et d'être en sécurité que d'être pauvre et l'insécurité. C'est exactement ce qui se passe. Est-ce que la révolte, ça les a enrichis? Abadan. Ben, dans certains pays, les richesses du pays qu'ils avaient à la base, et le gouverneur, il avait, et même s'il est privé, au moins certains, ils profitaient, un plus personne profite. C'est les koufars qui ont pris le dessus. Cette voie, c'est une voie qui est appuyée par le Coran et la Sunna et la raison. Abadan. Abadan. هذا الباب باب عظيم. Et nous, en tant qu'Ahl Sunna, on doit le propager, ikhwan. On vient à une époque, on le répète, même بعض الإخوة تأثروا. Un sunni, il aime le Sunna, mais à cause des fitnes, à cause de l'ignorance, à cause de cette monsiba des réseaux sociaux, tu parles avec lui, il parle d'un gouverneur qui est un Khalid, un ikhwan en face de toi. Fouma, tu lui dis. Et بعضهم يرجع صحيح, ça montre que فقط تأثر à cause des mauvaises fréquentations, à cause du manque de science, à cause des réseaux. Alors on doit propager هذا المنهج. السني السلفي لا يطعن في ولاة الأمور. المسلمين, les gouvernants musulmans, أبدا. Les injustes, من باب أولى, ceux qui ne sont pas injustes. Là, il préserve sa langue et il applique ces fondements que Cheikh Abd Salam il a regroupé dans ce livre. La voix des salafs. والله المستعان. On lira une autre partie avant la fin du cours, inshallah. On continue اولا le متن. On revient à la risale. قال وهذا الحق للامام ثبت بالنصوص المتواتره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ce حق, ce droit du gouverneur, et le fait de patienter même s'il est injuste, on a plusieurs hadiths du prophète صلى الله عليه وسلم qui le prouvent. اسمع منها, أي parmi ces hadith عبد الله بن عباس رضي الله عنهما, أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات فميتة جاهلية. أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما. Le premier hadith عبد الله بن عباس رضي الله عنهما, le prophète صلى الله عليه وسلم قال من رأى من أميره شيئا يكرهه. Celui qui voit une chose que le gouverneur y fait, cette chose, il la déteste. Un munkar, une injustice. Ahyanan, tu entends, tu vois des choses, c'est un munkar clair, une injustice. une privation de droit pour un tel et un tel un mal clair. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ماذا قال? Il a cité le problème. من رأى من أميره شيئا يكره. Ça c'est le problème, celui qui voit cette chose grave, ce péché, c'est quoi la solution? قال النبي صلى الله عليه وسلم فليصبر. Hadith il est sahihay. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas dit révoltez-vous, il n'a pas dit insultez, criez. Abadan, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, فليصبر, patientez. Pourquoi? قال فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات فميتة جاهلية. Si tu fais le lien entre les deux jumel, les deux phrases, tu comprendras beaucoup de choses. Hey, le fait de ne pas patienter sur l'injustice du gouverneur, ça peut provoquer mufaraqatul jama'a. Ça peut provoquer la division. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال من فارق الجماعة شبرا, celui qui est la cause de diviser le jama'a, hey, la communauté. فمات, et il meurt, famitatun jahiliya. Hey, il meurt comme ahl al jahiliya. Hey, il fait ce péché qu'ils ont fait. وهذا تقدم معنا. قال وفي لفظ لمسلم, dans une autre version في صحيح مسلم, من كره من أميره شيئا فليصبر عليه فإنه ليس أحد من الناس خرج من السلطان شبرا فمات عليه إلا مات ميتة جاهلية. Donc c'est le même hadith, le même sens. قال النبي صلى الله عليه وسلم فليصبر عليه. Patiente. On dit pas nous de dire là c'est bien ce qu'il fait, c'est من السنة. أبدا. Lakin, il y a une différence entre se taire et appeler à la révolte. Là, on se tait. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala al-hidayah. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala al-faraj, une issue. Comment ça y a-t-il? Qala wa minha hadith Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam qala innaha satakoun ba'di athar wa umurun tunkirunaha. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a informé en après lui. Ça c'est min dala'il nubuwati alayhi sallatu salam. Ça c'est une des preuves que c'était un prophète alayhi sallatu salam. Limadha li'annahu, il a informé de cette chose qui allait arriver, bien sûr avec la révélation. Qala, donc wa umur tunkiruna, des choses qui vont arriver que vous allez rejeter, et des choses mauvaises. Qalu ya Rasulallah, fama ta'muruna. Ils ont dit ya Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce que tu nous conseilles? Qu'est-ce qu'on doit faire? هذا فيه إشارة أن en tant que mu'min, encore plus en tant que sunni, lorsque tu as un problème, خاصة un problème في الدعوة, un problème lié à certaines choses par rapport à notre din, la réponse tu la trouveras في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. Tu la trouveras pas sur les réseaux sociaux, un tel il a dit, un tel il a fait, tout le monde fait, قيل وقال, j'ai entendu. C'est pas ça les solutions. Ça provoque que des fitnes et la division. As-sahaba radiyallahu anhum, ils ont eu connaissance de ce problème qu'elle a arrivé. Directement, ils ont demandé ya Rasulallah fama ta'muruna. Et vu que nous, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'est plus présent, il est mort alayhi sallatu sallam, il a délaissé sa sunna. Taraktukum ala al-mahajja al-bayda layluha kanahariha la yaziru anha illa halik. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a laissé sur une voie claire. Tout les solutions à nos problèmes, elles sont dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et dans le Coran. As-sahaba radiyallahu anhum, vu qu'ils ont compris hada, ils ont été éduqués à hada, ils ont demandé au prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'on doit faire face à ces injustices? Qala tu'adduna al-haq alladhi alaykum wa tas'aluna Allah alladhi lakum akhrajahu al-Bukhari wa Muslim fi sahihayhima. Est-ce qu'on doit se rebeller, se révolter, manifester? Abadan. قال تؤدون الحق الذي عليكم. Le haq qui est sur vous, vous le remplissez. C'est quoi le haq? On les a cités auparavant. Les deux huquq. Le premier, al-bay'a, prêter allégeance. Le deuxième, as-sam' wa at-ta'a. Bien sûr, fi ghayri ma'siyatillah. Écouter et obéir, sauf si c'est un péché. Donc, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, قال, vous remplissez ces huquq. ثم قال, vu que tu as subi une injustice, وَتَسْأَلُونَ اللَّهَ الَّذِي لَكُمْ, et demande à Allah Azza wa Jal. Si tu as été privé de tes huquq, maintenant on t'a pris une terre, on t'a pris ta maison, on t'a pris une part de ton argent, on t'a pas donné ton dû, demande à Allah subhanahu wa ta'ala. قَالَ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِ وَمُسْلِمُ. Donc le hadith il est sahihain. Donc ça montre quoi? Ça montre que le musulman, il doit patienter, il doit faire dua, et en aucun cas l'injustice ça doit nous pousser à ne pas remplir nos devoirs. فلهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم تؤدون الحق الذي عليكم. C'est tant que c'est un musulman ce gouverneur, même s'il est injuste, ses hukouk, ils ne disparaissent pas. Pourquoi? Parce que c'est lui le gouverneur, pour préserver la umma et pour s'écarter d'un mal plus grand. قوله صلى الله عليه وسلم أثرة قال هي الانفراد بالشيء عمن له فيه حق وتتعلق بالأموال. On revient au hadith qu'on vient de lire. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها. نعم. Des choses que vous allez rejeter et des mauvaises choses. قوله أثرة أي النبي صلى الله عليه وسلم il a dit après moi il y aura أثرة. Ça veut dire quoi أثرة؟ قال الانفراد بالشيء عمن له فيه حق. أي c'est que certains ils vont garder certaines richesses alors que d'autres ils ont une part et ils vont garder que pour eux. قال وتتعلق بالأموال. En général c'est lié avec les biens, avec l'argent. Et certains gouverneurs ils vont priver certains d'argent et ils vont le garder pour eux. Qu'est-ce qu'on doit faire? On a lu le hadith. تؤدي الحق الذي عليكم تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. المؤمن ولله الحمد لله cette aqida أن يوم القيامة ça sera le jour de justice, le jour des comptes. Tout ce que tu as subi أخي الكريم on te le rendra. فلهذا ça sert à rien de se précipiter. للأسف et c'est une musiba azima. Vous vous rappelez lors des révolutions précédentes أن البعض ils ont subi des injustices claires et ils ont voulu se montrer leur douleur en se brûlant. Ayyadan billah. Ils se sont fait du mal fi dunya qabla al-akhirah. Ayn al-fa'ida de se brûler même si tu as un haqq. Enfin, si tu peux le demander, demande-le. Si l'on fait du'a Allah azza wa jall, amma se brûler, qu'est-ce qu'il a gagné hadha al-miskin? Il s'est fait du mal, c'est un suicide. Et thaniyan, il a été la cause d'une énorme révolution, tout ça à cause de l'jahl. Aliyada apprendre ya ikhwan ce genre de fondement, c'est on le répète pas assez, c'est muhim jiddan. قال وقوله صلى الله عليه وسلم وامور تنكرونها اي من امور الدين اما بالتقصير فيها او باحداث البدع. طيب, le fait que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a cité les deux, donc le premier athara c'est par rapport à dunya et le deuxième umur tunkirunaha c'est par rapport au din, ay des bid'a, des inventions matalan dans certains pays, des inventions fi din dans les masajid par rapport au Eid, par rapport à beaucoup de bid'a. Fa fi hada al hal celui qui peut montre an-nasiha et at-du'a, amma se révolter va la yajouz abadan. قال النووي رحمه الله تعالى في شرح الحديث فيه الحث على السمع والطاعة وإن كان المتولي ظالما عسوفا فيعطى حقه من الطاعة ولا يخرج عليه ولا يخلع بل يتضرع إلى الله تعالى في كشف أذاه ودفع شره وإصلاحه. C'est la solution. الإمام النووي رحمه الله قال par rapport à ce hadith فيه الحث على السمع والطاعة. C'est une preuve qu'on doit écouter et obéir, même s'il est injuste. On doit lui donner son haq. Wala yukhraj alayhi. On n'a pas le droit de se révolter, de se rebeller. Qal bal yutadarra ila Allah. Celui qui a subi une injustice, personne dit que tu n'as pas le droit de demander à Allah Azza wa Jalla. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala min fadli. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il te donne le secours, qu'il te donne une issue. Hada. Et kadalik, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala daf'a sharri, qui repousse son mal, et kadalik islah. إصلاح هذا الولي كالله اللقيد. لماذا؟ لأن في إصلاحه إصلاح للأمة. Si ce gouverneur il est guidé, il suit le bon chemin, toute la Ummah elle va en profiter. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui guide هذا الأمير. هذا فيه نفع عظيم, un énorme bien pour la communauté. قال وبهذه النصوص أخذ سلفنا الصالح فأودعوا في كتب العقائد الأمر بالصبر على جور الأئمة فلا يكاد يخلو مؤلف لهم من ذلك. نعم, كما تقدم معنا أن vu que c'est un fondement essentiel dans l'aqida, les salaf ils ont cité هذا الباب dans leur livre concernant la croyance. وقد وردت آثار كثيرة عن الصحابة والتابعين رضي الله عنهم تؤكد ذلك, منها ما أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف بإسناد جيد عن سويد ابن غفلة قال لعمر ابن الخطاب رضي الله عنه يا أبا أمية إني لا أدري لعلي لا ألقاك بعد عامي هذا فإن أمر عليك عبد حبشي مجدع فاسمع له وأطيع. Donc Omar رضي الله عنه il a conseillé سويد بهذه النصيحة الجميلة. قال فإن أمر عليك, أي إكوت أوبي وغوفرنور ميم سي سان عبد ميم سي سان إسكلاف حبشي, فاسمع له وأطيع, وإن ضربك فاصبر, ميم سي سو غوفرنور إي تو فراب إي تو كوز دو تور فيزيكمون فاصبر عليه, باسيونت باسيونت لله عز وجل. وكذلك تانيات ويسبير لا ريكومبونس, وكذلك بور بريزيرفي لا أمة. Et tout le monde rendra des comptes يوم القيامة. Celui qui a commis une injustice, fa, il rendra des comptes. قال وإن ضربك فاصبر وإن حرمك فاصبر, s'il te prive, كذلك patient. وإن أراد أمرا ينقص دينك فقل سمع وطاعة دمي دون ديني ولا تفارق الجماعة. نعم, أما الطاعة في المعصية فلا. Tu vois pas si c'est un péché, il fait tout pour ne pas causer la division في الأمة. قال ومنها ما أخرجه التبريدي في النصيحة للراعي والرعية عن كعب الأحبار أنه قال السلطان ذل الله في الأرض, ذل الله في الأرض تقدم معنا هذا. فإذا عمل بطاعة الله كان له الأجر وعليكم الشكر, وإذا عمل بمعصية الله كان عليه الوزر وعليكم الصبر. كلام جميل. Si ce gouverneur il obéit Allah subhanahu wa ta'ala, il aura une énorme récompense. وعليكم الشكر. Et en tant que croyant, nous on doit être reconnaissant. Reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala, et كذلك être reconnaissant envers ce gouverneur qui fait du khair. La yashkuru Allah man la yashkuru an-nas. Wa idha amila bi ma'siya, si désobéit, kan alayhi al-wizr. La désobéissance elle est comptée sur lui, c'est lui qui rendra des comptes sur ses faits et gestes. Yawm al-qiyamah, qalu alaykum as-sabr, et antum patientez. ولا يحملنك حبه على أن تدخل في معصية الله ولا بغضه على أن تخرج من طاعته. كذلك ton amour envers ce gouverneur ne te pousse pas à faire des péchés, c'est haram. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق, هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك ولا بغضه, le fait de le détester, ça ne doit pas te pousser à suivre tes passions et appeler à la rébellion ou te révolter. Ça, bien sûr, c'est من الهوى. انتهى كلام الشيخ عبد السلام. Ce point important, le troisième حق, أي patienter face aux injustices. On finit avec des فوائد qu'il a cité في الأصل. Page numéro 111. قال رحمه الله وقيل سمع الحسن رجلا يدعو على الحجاج. الحسن البصري رحمه الله il a entendu un homme faire dua contre الحجاج. C'était le gouverneur الحجاج. Ah oui, il travaillait pour le gouverneur. C'était le gouverneur d'une région. Et le grand gouverneur, c'était un autre. فَقَالَ لَا تَفْعَلْ رَحِمَكَ اللَّهُ إِنَّكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أُتِيتُمْ إِنَّمَا نَخَافْ إِنْ عُزِلَ الْحَجَّاجِ أَوْ مَاتْ أَنْ تَلِيَكُمَ الْقِرَدَ وَالْخَنَازِيرُ. هذا الكلام فيه فوائد. أولا, les injustices qu'il se passe, c'est pas que de la faute du gouverneur. Abadan. قال عز وجل وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. Ce qu'il se passe, c'est à cause des péchés. Enfin, ne pas mettre la faute ou toute la faute sur un tel. Là, on doit se remettre en question nous. ثم قال كذلك, la deuxième فائدة, إنما نخاف إن عزل الحجاج أو مات أن تليكم القردة والخنازير. Le fait que ce gouverneur qui fait du mal, qui fait des injustices, أنه il part, est-ce que tu as une garantie أنه le gouverneur qui va venir après va être meilleur? Comme il en a, s'ils ont fait des révoltes et ils ont tué le gouverneur, ou le gouverneur il est parti, Thomas, notre gouverneur il est venu et il est pire que le premier. Les gens ils regrettent le premier. Ça nous montre que c'est pas la solution. أبداً. قال ولقد بلغني أن رجلا كتب إلى بعض الصالحين يشكو إليه جور العمال فكتب إليه يا أخي. Certains, ils ont demandé conseil à des hommes pieux par rapport aux injustices qu'ils subissent par les autorités. Enfin, ces hommes pieux, ils ont répondu. Alors, cet homme pieux, il a répondu. Ya akhi, wassalani kitabuka tazkur ma antum fihi min jawr al-ummal. Wa innahu laysa yanbaghi liman amila bil ma'siyah an yunkir al-uquba. Wa ma adhun alladhi antum fihi illa min shum al-dhunub wassalam. كلام جميل. Qu'est-ce qu'il lui a répondu? Il lui a dit إِنَّهُ لَيْسَ يَنْبَغِي لِمَنْ عَمِلَ بِمَنْسِيَ أَنْ يُنْكِرَ الْعُقُوبَ. Il a dit, vous n'avez pas à vous plaindre des conséquences Alors que c'est vous la cause. La cause, c'est quoi? Les péchés. La conséquence, c'est l'injustice des autorités. Pourquoi tu te plains de la conséquence alors que c'est toi qui en es la cause? Tastafid ma'ada, Anna, fais tawba, écarte-toi des péchés et tu verras que Allah subhanahu wa ta'ala, il te préservera. Donc ça nous montre, Anna, la première chose qu'on doit faire en tant que croyant, si on veut que les injustices, elles cessent, c'est de nous repentir, nahnu. Si moi, je fais des efforts, et un tas, tu fais des efforts, et un troisième, et toute la communauté, alhamdoulilah, vous verrez que ça se passera beaucoup mieux. قال رحمه الله وما أظن الذي أنتم فيه إلا من شؤم الذنوب. Il lui a dit, je n'ai aucun doute, Anna, ce qu'il vous arrive comme injustice, c'est à cause de vos péchés. ثم قال والسلام. أي والسلام عليكم. قال فهذا موقف أهل السنة والجماعة من جور السلطان يقابلونه بالصبر والاحتساب ويعزون حلول ذلك الجور بهم إلى ما اقترفته أيديهم من خطايا والسيئات. Et ça, c'est un موقف طيب. Si tout le monde se remet en question. وكل واحد يتهم نفسه ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى. On ne remet pas toujours la faute sur les autres. فلا شك أنه سيغى beaucoup mieux. ثم إلى ستة الفرسات قولوا عز وجل وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير قال فيهرعون إلى التوبة والاستغفار ويسألون الله جل وعلا أن يكشف ما بهم من ضر. هكذا حال المؤمنين. أولا ils se remettent en question ويتوبون إلى الله, ils se repentent de leurs péchés, et كذلك demandent الله سبحانه وتعالى الفرج. الله سبحانه وتعالى إلا il يبعد عنهم هذا الظلم. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala il éloigne cette injustice ou il la fait disparaître. قال ولا يقدمون على الشيء مما نهى عنه الشرع المطهر في هذا الحال من حمل السلاح أو إثارة فتنة أو نزع يد من طاعة. أي cette injustice elle doit pas nous pousser à faire du haram, prendre les armes, se rebeller contre les autorités, ne plus obéir, appeler à la rébellion. قال لعلمهم أن هذه الأمور إنما يفزع إليها من لا قدر لنصوص الشرع في قلبه من أهل الأهواء الذين تسيرهم الآراء للآثار. Pourquoi? لأن أهل العلم وطلبة العلم, et ceux qui suivent la voie des salaf, ils savent très bien que ceux qui appellent à la révolte, à manifester, à se rebeller, ils ne sont pas revenus au texte أبدا, بل يسويف لي جون دي باسيون. وتخطفهم الشبه ويستلزلهم الشيطان. تخطفهم الشبه أي ils deviennent la proie des شبه, des ambiguïtés. Les ambiguïtés de الخوارج, de الحزبيين والتكفيريين, et كذلك الشياطين. قال ولقد جاء في النصوص. ثم, ce qu'on va lire الآن, il a rapporté la parole de l'imam الأجوري رحمه الله dans كتاب الشريعة. كتاب الشريعة يان فصل جميل طيب جدا sur ce point, une mise en garde contre le khawarij et l'importance d'obéir au gouverneur. فقال رحمه الله أي الإمام الأجري من التحذير من مذهب الخوارج ما فيه بلاغ لمن عصمه الله عز وجل الكريم عن مذهب الخوارج ولم يرى رأيهم والصبر على جور الأئمة وحيف الأمراء, حيف الأمراء أي ظلم الأمراء, ولم يخرج عليهم بسيفه وسأل الله العظيم كشف الظلم عنه وعن جميع المسلمين. C'est ça la voie des salaf. C'est pas la voie des khawarij qui appelle à prendre les armes, à se rebeller, à manifester. أبدا. بل السلف patientait et il faisait الدعاء. Il faisait الدعاء كالله سبحانه وتعالى كما قال وسأل الله العظيم كشف الظلم. كالله سبحانه وتعالى il fasse disparaître ses injustices. قال ودعا للولاة بالصلاح. كذلك هذا c'est من مذهب السلف وسيأتي معنا إن شاء الله dans la رسالة. أي de faire des invocations pour le gouverneur. كالله il le guide. قال وحج معهم وجاهد معهم كل عدو للمسلمين وصلى خلفهم الجمعة والعيدين وإن أمروه بطاعتهم فأمكنته طاعتهم أطاعهم. Ça c'est, il montre qu'on a, on doit respecter leurs hukouk. Faire le hajj avec eux, faire as-salat derrière eux ou derrière ceux qu'ils ont désignés. كذلك le rouvrir tant qu'on a la capacité. قال وإن لم تمكنه اعتذر إليهم وإن أمروا بمعصية الله لم يطعهم وإذا دارت بينهم الفتن لزم بيته. كذلك si ce gouverneur lui ordonne de faire un péché, il ne le fait pas. Et s'il y a une fitna entre les autorités, il se retire. C'est une fitna. Il reste chez lui. قال وكف لسانه ويده. كذلك il s'abstient avec sa langue et avec ses mains. Ça nous montre أن الخروج على نوعين. Se rebeller contre les gouverneurs, يا إخوان. Bien sûr, Ça peut être avec les armes, et c'est très très grave. Et que ça peut être avec la langue. Et en général, le fait de se rebeller avec la langue, ça a pour conséquence la rébellion avec les armes. Ça, c'est min sifat al-khawarij. Le fait de se rebeller imma avec la langue et bien sûr avec les armes. Se rebeller avec la langue, madalan, les critiquer. Cette critique, elle va se transformer en un appel à la rébellion, ne plus obéir, ils n'ont plus de légitimité à gouverner. Yadam billah, ça a fini comme ça a fini il y a quelques années avec toutes ces révolutions. Qala, rahimahullah, wa kaffa lisanahu wa yadahu, wa lam yahwi ma hum fi, wa lam yu'in ala fitna, faman kana hadha wasfuhu kana ala tariq al-mustaqim, insha'Allah. Celui qui suit ces conseils, qui sont fondés sur des hadiths et des versets qu'on a vus, walillahi alhamd ensemble, ou certains, il sera sur le droit chemin. Vous avez remarqué que ce droit chemin, il a sabr, de la patience. Amma, suivre ses passions, c'est de la faiblesse. Ceux qui se rebellent, là, tadonnoun anahum, ils sont courageux. Abadan, wallahi, c'est min adhafin nas. Leur faiblesse, elle les pousse à hada. Amma, le plus difficile, c'est de patienter. Laysa shadid bi as-sur'a. Innama shadid man amsaka nafsahu 'inda al-ghadab. Le fort, c'est celui qui se maîtrise lors de la colère, lors des injustices. Amma, celui qui se précipite et qui fonce, c'est pas du courage. Encore plus si c'est un suicide comme certains y font, c'est pas du courage. Bel c'est min as-safaha wa min adh-dha'f, c'est de la faiblesse. Wallahu musta'an. Fa hada wa alhamdulillah, intahayna de ce troisième haqq. Wa sallallahu sallam ala nabiyyina Muhammad wa alhamdulillah rabbil alamin.